euros par jour. Le PK Express et leur putain de parcours. Même pas un repas pour 48 heures. Y'a plus taf, c'est pour ça que je suis killer. C'est ma mère qui a le cœur qui se resserre. Et je le ressens quand elle pleure, quand elle a peur. À toutes les conneries que je pourrais refaire. Son cœur se resserre et je le ressens. Mes propos, je les défends, défends nos sentiments qui sont pas à revendre. Pas beaucoup de tendresse devant tant de riches, tant de rêves. La rue ne fait pas de trêve, reste pas sur le trottoir sinon tu crèves. Physiquement ou psychiquement, ta vie se détériore. T'as plus d'intérieur, tu roules pas sur l'or, tu vis à l'extérieur. Ramène l'extincteur, ça fait longtemps qu'il y a le feu. Je peux pas faire long feu, personne me tient avec si peu. Si je peux faire mieux, pas moi et que la ferme. Trop longtemps que je parle plus allemand, si t'as le temps je te fais le topo. Avec trois de mes potos, et y'en a pas beaucoup. Des mecs qui valent le coup, des mecs sur qui compter. Tu peux les compter, sur les doigts d'une main. Va te faire enculer, y'a plus rien d'humain. Les gosses parlent mal, les parents dorment mal et trouvent ça normal que leurs gosses regardent à longueur de journée cette foutue télé. Génération de téléviseurs, console, ordinateur, veut toujours le meilleur. Surf sur le web, sniff de la coque, ne veut plus aller au bled, ne regarde plus les potes, fume pas dans les lieux publics, juste à côté de leurs gosses qui sont asthmatiques, dramatiques, situation. Les bouquins sur l'éducation et de toute façon, ça ne changera pas la nation. On se prétend pas artiste, nos textes sont tristes, juste avec la rue et les clubs qui te pistent. Condition de vie du monde, vas-y viens faire un tour dans mon foutu monde, dans mon foutu monde, dans mon foutu monde. Je suis fâché avec mes rêves, alors ne me parle pas de blé. J'ai trinqué avec la merde, alors te dis pas fier, ne crie pas au loup. Personne te croira, car ici c'est chez toi, chez les autres, chez les riches, chez les pauvres. Mais on est en surnombre, tu nous as reconnus. Cette minorité qui n'a pas la priorité, celle que l'oreille en priorité. Des menottes on a hérité, et le mal empire sort de ta bulle, ça fout les boules. Rabat si t'as pas de burne, tire-toi si t'es borné. T'avais qu'à être morné, maintenant tu nous connais. C'est du concret, avec ma sauce on te fait un congrès. Alors prends des congés, décongelés. Voilà ce que nous sommes, à squatter les bords, à combler les blancs. Quand on manque de thunes, c'est vrai qu'on manque d'études. On squatte les rues étroites, on prend des boules, des claques. À coups de basse, coups de batte, coups de pite, douce claque. Les sous-fites se battent, c'est l'instinct primate. C'est le sud qui apprivoise, c'est le 34 sous 35 degrés, tous flasques. À tout esquiver, c'est Gignac qui doucement s'enfonce et s'enfonce. Balance et s'emporte, la castagne est sans fin, la race casse la fin. Mais nous on a rien à bouffer, alors on devient cannibale. Parce que les canines râlent, la balistique frappe. Parce qu'un jour on t'a dit bâtard, t'es debout. Allez va-t'en, fausse cicatrice, terreur dans la matrice. C'est pour ça que ça m'attriste et tout devient tyrène. On promet monts et merveilles et on squatte à trois sur une itis. Cette merde, on laisse kiffis pour se promettre une esquisse et s'expliquer avec les flics. On se nourrit avec le vice, mais c'est échec et mat. C'est le goudron et le malt, c'est le bourdon et le calque. C'est les saisons frissons et l'esprit s'en trouve touché. On arrête de tousser et on commence à pousser. Même si certains se mettent à gousser, ça prouve qu'on les a touchés avec notre toupée. Et puis voilà que tout pète. Me voilà tout flette, me voilà tout flette. Je vois ma vie à travers la musique. Mes beats, mes tripes reflètent ma solitude face à ce strabisme qui me remplit d'habitude. J'avance les yeux fermés sans me douter que mes tics, mes jeux deviendront dangereux. Pourquoi ne comprennent pas cette façon de penser, d'avancer, d'être studieux. Sachez que sans ça le grec qui était si bien à vos yeux pourrait se transformer en cerbère, gardien de la porte de l'enfer. M'empêchez pas de la pratiquer, c'est mon dieu, ma religion, ma croyance. Plus réel que la croix sur ton mur, irréel. Elle m'a appris à être dur et brisé tout ce qui m'empêche d'avancer. Kunerko, Kanako, Warren, KCW. C'est la seule chose qui m'empêche de craquer, d'exprimer nos pensées que vous n'avez pas encore exploitées. Faut pas être cupide, chercher jusqu'à ce que l'idée vous illumine. S'y mettre à fond même si ça paye pas de mine. Gribouille, rature, ce son qui pèse une enclume. Se poser avec les potes, jouer sans se lasser. Entrelacer les sons et écouter voir ce qui est bon. C'est le blason du 34 Gignac. Les couleurs et les origines qui se mélangent à fond. KCW, je suis un catalan et j'ai la mauvaise race. J'ai le 34, finisse mal, c'est pour ça qu'on vole conduite. Ma mère est partie à 8 ans, elle est jamais revenue. J'écris pas avec une plume, trois plumes. Inconscient, chez nous le pushka, je me retrouve du côté de la crosse. Cunero, 100% œil pour œil, dent pour dent. De métis, de crème, le kilo à l'arrière de la merco. Boulot mental, boue, warhol. La vie nous a fumé jusqu'au mégot. La fin de moi chez nous, c'est du premier jour au premier pas. 7665 jours, mon âge, j'ai la rage à un chien bâtard. Tu vas au Caraïbes pendant que nous on crie. Toi Sarko, non FN, mais vous enfin, mais vous enfin. Mais vous enfin, mais...